les premières neiges de l'absence, sur les grands laits tissés du songe et du réel. Et toute peine remise aux hommes de mémoire, il y eut une fraîcheur de linge à nos tempes. Et ce fut au matin, sous le sel gris de l'aube, un peu avant la sixième heure, comme on a havre de fortune, un lieu de grâce et de merci, où licencier les saints des grandes hôtes du silence. Les premières neiges de l'absence, sur les grands laits tissés du songe et du réel. Et toute peine remise aux hommes de mémoire, il y eut une fraîcheur de linge à nos tempes. Et ce fut au matin, sous le sel gris de l'aube, un peu avant la sixième heure, comme on a havre de fortune, un lieu de grâce et de merci, où licencier les saints des grandes hôtes du silence.